village, mais dans la merde, ils étaient. Ouais. Tu sais pas quand c'est nous, on a été obligés. Ils ont eu le droit, eux. Partout, hein. Partout, on les a transférés dans des villages qu'on avait fait nous-mêmes. Mmh. Des baraquements préfabriqués. Ils avaient d'accord une clôture en barbelé, ouais, mais ils avaient tous les vêtements, ils avaient la nourriture mieux que nous. Et bien sûr, le drapeau français, et ils étaient contents, ils étaient heureux, ils voulaient rester français. Ah, ils ne demandaient rien. Ils ne demandaient rien d'autre. Mais ils ont vu qu'on leur apportait tout. Mm-hmm. C'était ça la pacification. Où je voulais en dire. Mais il a fallu les femmes, alors chose, c'était. Il ne fallait pas faire ça. Mm-hmm. La femme musulmane, elle n'a pas le droit de se dévoiler, elle n'a pas le droit de. Ouais. On les a mis à poil. Et il a fallu les laver. À la brosse de chez Adam. Ils avaient. Une pellicule de crasse dans le dos partout, autour des seins. Ils vivaient avec les moutons, ils vivaient avec les chèvres dans la même canière. Ouais. Ça puait quand t'es rentré là-dedans. Si jamais t'es rentré là-dedans, t'en sortais, t'étais plein de puces. Alors on a brûlé tout d'ailleurs. Mais pas les habitants dedans. On les a regroupés, chaque secteur par secteur. Mais j'étais content.